Moi, c'est Benoît Barraud. J'ai travaillé pendant 4 ans à la fédération. Je suis encore administrateur. Et j'ai aussi travaillé dans des associations de jeunesse où la question justement de l'échec et de tout l'apprentissage qui va autour était un sujet qui m'intéressait beaucoup, d'où ma présence aujourd'hui. Et je viens de Belgique. Donc, quand je parle de fédération de jeux de rôle, je parle de Bilharp. On va donc commencer. Alors, avant de rentrer dans l'introduction épique comme a pu le faire précédemment Marc, eh bien, je vais vous proposer de séparer cette soirée de discussion en 3 étapes. La première étape étant la question de bah, tiens, en tant qu'organisateur, sous ma point de vue de l'organisateur, mon live est raté, que dois-je faire pour essayer d'en tirer le meilleur pour la suite? Ensuite, la seconde question, c'est j'ai passé un mauvais live en tant que joueur. Que faire vis-à-vis de l'organisateur pour qu'il puisse en tirer bénéfice et comment approcher la communauté suite à cet échec? Et enfin, la troisième partie, c'est je suis organisateur, j'ai appris de mes erreurs, j'ai a priori évolué. Comment est-ce que bien, je communique ça au reste de la communauté? Voilà, n'hésitez pas un moment à revenir si vous pensez qu'il y a des points, des pans de cette conversation qui n'apparaissent pas dans ces 3 éléments. Mon objectif ici étant avec vous de faciliter le débat et non pas de le diriger. Voilà. Est-ce que vous verrez aussi que pendant le débat, j'ai tendance à jouer l'avocat du diable. Ce n'est pas que j'ai des mauvaises idées derrière la thèse, c'est que je pense simplement que ça permet d'avoir des contradictions pour faire avancer cette table ronde. Voilà. Est-ce que la méthode convient à tout le monde? Bien. Alors, commençons. Alors, il y a donc Benoît, qui est cet organisateur de GN nouveau dans le monde. Il a organisé pour la première fois son premier jeu qui s'appelle Tartampia. Et avec toute son équipe d'organisation, ils sont passés énormément de temps sur ce jeu. Mais malheureusement, par manque d'expérience, par manque de bouteilles, eh bien, ce premier jeu a été un petit peu difficile. Et beaucoup de joueurs ressortent de ce jeu assez mécontents par rapport à l'expérience qu'ils ont pu vivre. Quelques mois plus tard, Benoît décide d'organiser à nouveau un second jeu où il a appris, il a suivi les débriefings et il pense vraiment pouvoir remettre le pied à l'étrier. Malheureusement, son jeu peine réellement à trouver des joueurs preneurs. De l'autre côté, Julie, qui est une jeune joueuse, a participé à ce premier live de Benoît et en ressort un petit peu dérangée, si bien que quand son ami François lui dit qu'il a envie de participer à l'Opus 2, elle ne peut pas s'empêcher de lui dire oui, mais fais attention, le premier était vraiment pas bien, je ne te conseille pas vraiment d'y participer. Et François, finalement, ne s'inscrira jamais à ce jeu qui pourtant aurait pu être très bien. Ce scénario, on l'a tous déjà plus ou moins vécu d'une manière ou d'une autre dans notre communauté. On a tous eu l'occasion d'entendre parler de tel ou tel jeu qui ne sont vraiment pas bien ou de telle ou telle équipe qui n'est vraiment pas bien rodée, suite justement à l'un de leurs échecs. Et donc finalement, si la communauté de jeux de rôle est assez bienveillante finalement sur énormément de points, elle ne l'est pas toujours tant que ça par rapport à l'échec. Aujourd'hui, on va donc essayer de faire un petit peu le tour de la question. A-t-on réellement le droit d'échouer dans le cadre de l'organisation de jeux de rôle grandeur nature? Comment faire en sorte d'apprendre? Comment faire en sorte de faire comprendre aux joueurs qu'on a appris? Et puis, de l'autre côté, comment faire en sorte, en tant que joueur, eh bien, que mon expérience négative n'en reste pas une expérience négative, mais puisse servir d'input à l'organisation et comment faire en sorte que cette expérience négative ne soit pas non plus source de comment est-ce que je vais dire source de difficultés et source de mauvaise communication dans la communauté à travers bien la critique que je peux faire de ce jeu. On va donc pouvoir commencer cette table ronde avec le premier point de vue qui est le point de vue de l'organisateur et qui vient de subir ben, un GN un petit peu difficile. Comment faire en sorte que ce jeu qui s'est mal passé devienne, à contrario, une très bonne expérience pour la suite de ces organisations, que ça devienne un input positif pour la suite? Alors, bon, je vais intervenir tant que j'ai encore un petit peu de voix. Donc, en tant que. Déjà, en fait, quand on est un nouvel orga ou quand on fait un nouveau jeu, je pense qu'en prévenant, en appelant à la bienveillance, en présentant le jeu comme une bêta-test, on s'évite des mauvais retours après, puisque les gens savent que c'est une première expérience et qu'il y aura peut-être des erreurs. Et de même, en tant que quand on est nouvel orga, quand je teste quelque chose de nouveau, éviter de voir trop grand et de faire un jeu qui va coûter très cher aux gens, parce que en tant que joueur, passer un jeu pas terrible qui a coûté 20 euros, c'est pas très grave, mais si on a payé 100 euros pour, et qu'on s'ennuie tout le week-end, en effet, ça, il va rester de la rancœur. Ensuite, pour répondre plus directement à la question, une fois le jeu fait, comment apprendre de ses erreurs? Ce que je fais sur mon jeu, c'est un questionnaire de débrief. Parce que il y a des, on demande souvent aux joueurs de faire des débriefs après les jeux, mais à froid, enfin sans, à vide, ça peut être difficile. Alors que quand on fait un questionnaire où on pose des questions ciblées en disant qu'ils ne sont pas obligés de répondre à tout, mais qui couvrent un peu tous les aspects du jeu, plus un espace d'expression libre, les joueurs sont répondent plus facilement. Et là, on peut avoir des retours d'informations qui vont vraiment permettre de s'améliorer pour les fois suivantes. Alors, je suis assez d'accord avec ce que Zandra disait sur la première partie, le fait qu'on peut prévenir, qu'on essaye des choses dans le GN qu'on organise ou qu'on débute, mais peut-être pas totalement sur le fait de toujours utiliser ça, parce que ça peut facilement devenir une excuse derrière laquelle on s'empêche soi-même d'avancer, en fait. Donc je pense que ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention dans la préparation de son GN, c'est de se permettre de faire des expériences, mais de ne pas rester que dans les expériences. Au-delà de ça, par rapport à l'après-GN, je pense que quelque chose de très intéressant et de très important, c'est la réflexivité. La réflexivité, donc la prise de recul par rapport à ce qu'on vient d'organiser. Généralement, quand on organise un GN, on y met beaucoup de cœur, on y met beaucoup de soi, on écrit une histoire, on écrit une aventure, souvent qu'on aurait nous-mêmes envie de vivre, et qu'on a envie de voir partir vers certaines solutions dont on a rêvé, auxquelles on a pensé. Le fait d'avoir une réflexivité par rapport établie par rapport à ça, c'est déjà se dire, à un moment donné, après le GN, je vais me mettre dans une posture où je ne suis plus orga. Ce n'est pas ma création, c'est une création que je vais mettre devant moi et la regarder avec un œil qui n'est pas celui de la personne qui l'a écrit ou créé, mais bien de n'importe quelle autre personne à qui on parlerait de cet événement. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important et très intéressant qui peut permettre un impact moindre d'un éventuel échec sur l'organisateur. Et une bonne remise en question, une meilleure remise en question des effets et des éventuels échecs. Moi, ce que je voulais mettre en perspective, c'était la question non seulement d'un échec, mais d'un gène qui est mal vécu par les joueurs. Et comment est-ce que l'organisateur peut recevoir cette parole-là? C'est-à-dire que de recevoir une parole juste après le gène, alors qu'on a mis autant d'énergie, d'émotion et de temps sur un gène, et recevoir des propos un peu rageux, c'est problématique. Et comment dans le questionnaire ou le débrief écrit, je peux laisser les gens qui n'ont vraiment pas aimé, qui ont limite du ressentiment à délivrer, comment ils peuvent s'exprimer à cet endroit-là, et comment moi, finalement, je vais pouvoir récupérer une parole qui, a priori, est très blessante, mais dont je vais pouvoir en tirer quelque chose, voilà, ce sera un axe d'amélioration. Et c'est cette problématique-là, parce que dire le jeune s'est bien passé ou mal passé, c'est quelque chose qu'on gère très simplement, mais quand ça commence à être blessant, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Je pense que voilà, faire un débrief avec un espace où les gens peuvent se lâcher, et moi en tant qu'organe, je sais qu'ils vont se lâcher à cet endroit-là, et je vais pouvoir le lire tranquillement, c'est important. Ok, pour rebondir là-dessus, quelques techniques que j'ai vu des organes autour de moi employer pour à la fois protéger les organisateurs de retours trop virulents et en même temps pouvoir recevoir les critiques constructives. Alors déjà, il y a la fameuse semaine de battement, alors qui parfois peut être demandée de manière explicite par les organisateurs ou qu'ils font pour eux-mêmes, à savoir se couper du retour direct pendant 7 jours, le temps que l'émotion immédiate tutogène retombe un peu. Ensuite, faire remplir quelque chose type Google Form, donc un questionnaire un peu structuré plutôt que de recevoir les impressions en vrac, comme Zandera l'avait dit, ça effectivement c'est très utile. Je connais aussi des organisateurs qui délèguent le dépouillement de ces questionnaires à quelqu'un d'autre, là encore pour avoir une marge de sécurité et pouvoir là encore trier ce qui est de l'ordre de la critique constructive ou de la suggestion d'amélioration, de simplement l'attente déçue ou le retour à chaud. Et pour terminer, en revanche, pour revenir un peu sur la réflexivité, il y a aussi l'idée de communiquer sur les changements qu'on a fait. Effectivement, si quelque chose s'est mal passé, bah, communiquer pour simplement le dire clairement. Je pense que l'une des pires choses à faire, c'est d'essayer de rejeter la responsabilité entièrement sur les joueurs en disant c'est de votre faute, vous n'avez pas compris ce qu'on cherchait à faire ou c'est vous qui avez mal géré, parce que là, c'est se rompre définitivement de ces joueurs dans le processus de co-création. Par exemple, pour le compte de moi sur mes jeux, sur mon dernier jeu, j'ai fait un fichier où je faisais une liste de tous les changements que j'avais faits entre chaque session pour montrer quelles critiques j'avais entendues et j'avais intégrées au processus d'écriture pour maintenir ce dialogue-là ouvert. Moi, j'ai une réflexion qui me vient à l'esprit qui pourrait être un ajout plutôt de discussion, si c'est possible. C'est la gestion, quelque part, d'une réputation dans la communauté. Donc, dans la communauté des orgas ou des joueurs, de pouvoir ouvrir la parole en se disant, est-ce qu'on est vraiment en train de parler de ce gène de telle manière, est-ce qu'il faut que cette manière de parler de cette organisation ou de cet orga reste, et qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas que des images pareilles s'incrustent dans la communauté? Voilà, remarque un peu subsidiaire. Je me permets d'interrompre juste pour un point technique. Je pense que ce point pourra vraiment être abordé dans la deuxième partie, qui est en tant que joueur, comment ma parole a de l'impact sur l'image d'un jeu et sur la communauté, finalement, de l'image que se fait de la communauté de ce jeu. Donc, comment communiquer là-dessus et comment faire en sorte de ne pas complètement entacher l'image d'une orga qui finalement est amenée peut-être à évoluer. Ok. Je me disais que pour recevoir la critique en tant qu'orga, peut-être qu'il est bon de se poser la question en amont de qu'est-ce qui est de notre responsabilité et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que ça permet aussi de faire le tri dans les critiques qu'on reçoit ensuite. Si nous, on est au clair, en fait, ce dont on est responsable et ce dont on n'est pas responsable. Et pour moi, en tant qu'orga de GN, on a des obligations sur les moyens, mais pas sur le résultat. Parce que justement, à part si c'est des gros projets commerciaux qui tournent, etc., où là on peut peut-être se poser la question, mais en général, on est quand même dans de l'expérimentation, au moins un minima. Par contre, on n'est pas obligé en fait d'avoir des propositions qui fonctionnent toutes. Enfin, souvent on teste, quoi. Maintenant, il y a de plus en plus de GN qui se font rejouer, mais la majorité des GN, c'est quand même des GN sur une édition. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et du coup, sur les moyens. Pour moi, là où on a des obligations, du coup, c'est plus sur le cadre, le contrat ludique en fait qu'on crée avec nos joueurs et nos joueuses, tenir notre cadre, être présent, prendre des précautions, donc assurer de la sécurité émotionnelle, mais pas tellement sur le fait que le GN réussisse entre guillemets. Oui, je vais rebondir là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec Leïla sur le fait qu'il est important de vraiment pouvoir tirer des critiques, les éléments. Moi, souvent, je les range en trois catégories. Des éléments qui sont de l'ordre du matériel impondérable qui, des fois, ne fonctionne pas. Des éléments qui sont de l'ordre des choix narratifs dont qui étaient bien sur le papier et dont on se rend compte sur le terrain qui ne fonctionnent pas. Et ensuite, des choses qui sont de l'ordre des attentes déçues des joueurs. Et ça, je vais rejoindre un peu ce sur quoi la discussion a ouvert en parlant de la communication en amont, pour le compte que ce ne soit pas seulement de dire c'est un premier GN, c'est une première expérience, donc, et en appeler à la bienveillance des joueurs, on peut toujours le faire, mais également bien définir les thèmes du jeu, les objectifs du jeu, le type d'expérience qu'on va donner, parce que pour le compte, en tout cas. C'est très subjectif, mais à titre personnel, les pires critiques que j'ai reçues étaient souvent de joueurs qui s'attendaient simplement à jouer quelque chose de complètement différent, parce qu'à l'époque, on communiquait moins bien et on ne parlait pas encore de lettre d'intention. Voilà. La lettre d'intention, pour ça, c'est bien aussi. Aussi me permettre peut-être d'ajouter quelque chose en plus d'attention. Il y a aussi maintenant des jeux qui, à défaut, en tout cas peut-être pas de, réalisent aussi des entretiens qui permettent, mais en fait justement de vérifier non pas que tel ou tel joueur va être suffisamment, va avoir un jeu suffisamment bon ou, pour réaliser tel ou tel rôle, mais plutôt de vérifier que les différents joueurs bah, sont en phase avec la note d'attention, que leurs attentes correspondent bien avec ce qui a été annoncé par l'organisation. Alors c'est quelque chose qui prend du temps, mais par exemple, j'ai eu l'occasion de le vivre dans le cas du jeu Clone par Garou, où leurs entretiens en fait ne servent quasiment exclusivement qu'à ça. Ça et voir quelles sont les attentes des joueurs pour le reste du jeu. Et en fait, on se rend compte finalement que sur un grand nombre de joueurs, puisqu'ils ont à ma mémoire un peu plus d'une centaine de joueurs, eh bien le cas où un joueur et ne rencontre enfin, les joueurs ne rencontrent pas ne retrouvent pas les attentes des joueurs ne sont pas rencontrées. Sont en fait finalement assez faibles. Et donc voilà, c'est aussi une solution, même si elle prend beaucoup de temps. Si c'est tout pour cette première partie, je vous propose peut-être de passer alors à la seconde partie. C'est-à-dire, en tant que joueur, j'ai passé un mauvais GN. Que faire pour faire en sorte quels sont les bons réflexes finalement, quel serait le guide des bons réflexes finalement en tant que joueur vis-à-vis de l'organisation d'une part, mais aussi vis-à-vis, comme le disait tout à l'heure Marc, de la communauté. Comment est-ce que je dois communiquer à l'extérieur sur ce GN finalement, et quel est l'impact de ma parole sur l'image que va pouvoir avoir ce jeu, mais aussi de manière générale, cette équipe organisatrice, parce que si un jeu peut avoir une mauvaise image, ça peut également être le cas d'organisateurs, d'organisatrices ou même d'équipes entières, ou voire d'associations. Alors, en tant que joueur, parce que moi je suis en plein dans cette problématique-là, étant donné qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai vécu un GN qui était tout pourri. Et c'était très compliqué déjà de ne pas le dire aux orgas au sortir du GN. J'avais du ressentiment, mais j'aurais juste dit merci pour le GN, parce que c'était important. Et il a fallu déjà que moi je structure un peu ma pensée pour me dégager de ce sentiment juste que c'est un GN tout pourri. Et de prendre rendez-vous avec les organisateurs pour pouvoir leur exprimer à peu près tranquillement de ce qui pour moi n'a pas fonctionné, ce qui était très très problématique pendant le GN, ce qui bien sûr a été une source d'insatisfaction. Mais là où ça s'est joué aussi, ça a été l'attitude que je pouvais avoir dans l'interstice avec les autres membres de la communauté, c'est-à-dire en gros au niveau de la réputation. Donc, le temps d'avoir cet entretien avec de faire ce retour en direct avec les orgas, de pas non plus défoncer le GN en disant c'était vraiment trop de la merde envers d'autres joueurs parce que, bien entendu, d'autres personnes l'ont aussi vécu comme ça. Et là, se joue quelque chose d'à la fois intéressant et bizarre, c'est que. Les gens parlent en mal du GN, et le tout, c'est d'arriver à apaiser aussi les tensions qui commencent à se créer dans la communauté, ou en tout cas parmi les joueurs de ce GN, envers cette organisation-là. Ok, alors moi en général, ce que j'essaye de faire, c'est pareil, essayer de laisser passer une semaine ou au moins quelques jours le temps que le ressenti ou éventuellement les ressentiments immédiats se passent. Je vais plutôt les retours par écrit en essayant de prendre le temps de les écrire. À un moment, j'écrivais aussi des articles sur les jeux que j'avais faits, donc ce qui me permettait aussi, même s'il y avait certains points que j'avais pas aimés sur un jeu, d'essayer d'apprendre à faire des retours construits. Mais là-dessus, là, je vais en profiter pour faire un mea culpa personnel. C'est quelque chose que j'ai malheureusement découvert cette année. C'est que les retours qu'on fait ne s'arrêtent pas aux retours qu'on fait directement aux orgas aux manières écrites. Et que même quand on a l'impression d'être dans un cadre privé ou informel, donc juste en soirée, prendre un verre avec des gens, eh bien, ce qu'on dit a un impact et ce qu'on dit va être circulé. Et je me suis rendu compte que je réservais mes critiques les plus acerbes, et je peux être très acerbe des fois, dans le cadre privé, et qu'en fait, ça avait circulé, que c'était revenu aux oreilles des orgas, dont certains l'avaient mal vécu. Donc, si vous m'entendez, je m'excuse. Donc je ne sais pas trop quoi faire de cette information-là, mais effectivement, pensez aussi en tant que joueur que finalement, on parlait aussi de la réputation des réseaux sociaux, même ce qu'on va pouvoir mentionner, pas directement aux orgas ou comme ça aux débeautés, bah, va pouvoir avoir un impact sur le retour du jeu. Et effectivement, derrière, c'est là où on va peut-être avoir une transition sur la question de la réputation. Alors, pour ma part, j'ai deux petits points. Enfin, c'est rigolo parce que j'ai l'impression de donner des trucs qu'on a essayé de m'apprendre étant petit, à peu près toute ma vie. Vous savez, quand vos parents vous disent, on ne dit pas c'est mauvais, on dit je n'aime pas. Eh ben, en fait, c'est carrément quelque chose que moi j'essayais d'appliquer quand j'étais un GN qui ne m'a pas plu ou que je veux critiquer. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est j'essaye de comprendre pourquoi je n'ai pas aimé plutôt que de dire c'est mauvais. Très simplement parce que bah c'est subjectif et le meilleur moyen de faire comprendre à quelqu'un pourquoi on a du ressentiment face à un GN, c'est clairement d'exprimer sa subjectivité. Une deuxième petite chose, c'est que généralement quand je parle d'un GN à quelqu'un, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs, j'essaye toujours d'interroger d'abord la personne sur ce qu'elle recherche. Parce qu'à partir du moment où je sais ce que la personne recherche dans un GN et qu'on a une discussion sur ce que moi j'ai vécu, je sais que je peux alors proposer à mon interlocuteur, mon interlocutrice, ce qui m'a été proposé sans pour autant dénigrer la chose, parce que ben, j'ai identifié ce qui était donné dans la note d'intention ou pendant le live par l'organisation, et je les sépare du coup du ressentiment éventuel que je pourrais avoir. Du coup, moi, je suis un peu dans une situation inconfortable. Donc, j'aimerais vous demander si ça vous intéresse que je parle de l'article que j'ai écrit récemment ou s'il ne vaut mieux pas. Si vous pouvez me donner votre avis dans le chat parce que je suis vraiment pas du tout à l'aise là-dessus avec ça. Rapidement, donc, tout le monde a probablement dû lire cet article qui traite donc d'un GN. Sur lequel pour moi des limites ont été très clairement dépassées. Et j'ai été confrontée à une problématique en tant que joueuse, mais aussi en tant que chercheuse. C'est que, bon, déjà, j'ai confronté l'organisatrice sur le moment en lui disant ça, c'est pas normal. J'ai eu une confrontation immédiate et on m'a envoyé un peu paître. On m'a dit mais tu comprends pas, c'est parce que ça, voilà. Alors que pour moi, c'est une situation qui était un peu intolérable. Oui, je suis vraiment un peu en train de trembler, c'est quelque chose qui m'a pas mal, ça a été assez dur pour moi, mais bon, bref, de le faire. Et donc, sur le coup, bon, après le GN, j'ai fait bon, bah, ok, je referai probablement plus GN, mais bon, mettons. Et puis une semaine après, j'ai quelqu'un qui était avec moi sur le jeu qui m'a envoyé un message pour me dire ça va pas du tout, j'ai eu bleed, que j'en pouvais plus. Enfin, je suis pas bien, quoi. Et ça m'a mise en colère parce que ce GN, pour moi, non seulement avait dépassé les limites dans ce qu'il pouvait demander aux joueurs et joueuses, mais en plus ne faisait pas le travail de care qui, pour moi, est vraiment l'essentiel de ce que doit faire un organe, quoi. Finalement, c'est pas grave si le GN est nul. L'important, c'est que les GN, ils soient, que les joueurs, pardon, et joueuses soient dans une santé mentale correcte à la fin. Et donc, j'ai écrit un article, parce que je fais ça, hein. Là, j'ai écrit un long texte que j'ai assez virulent, que j'ai retravaillé, que j'ai envoyé, que j'ai retravaillé beaucoup atténué, que j'ai envoyé à l'organisatrice en lui disant bon, voilà mon retour, j'ai envie de le publier parce que je pense que ça doit être connu. Je dis, ça me ferait vraiment chier de ne pas le publier, j'ai écrit ça. Mais bon, voilà. Elle ne m'a pas interdit de publier. J'ai mis énormément de temps à le faire parce que je me sentais extrêmement coupable. Je savais que ça allait faire un tollé et que ça allait conduire un peu à une chasse aux sorcières, ce que je n'avais pas du tout envie de faire. Et j'ai fini par le poster parce que trop d'histoires me sont revenues de personnes qui avaient eu des problèmes, pas exactement similaires, mais qui avaient des problèmes avec ce gène-là. J'ai fini par poster. Et on m'a fait plusieurs critiques. On m'a accusé de mettre la personne sur un échafaud. Donc, c'est-à-dire que critiquer, ça revient en fait à pendre sur la place publique. On m'a accusé aussi d'être hypocrite parce que j'ai fait un avertissement dans mon article en disant voilà pourquoi est-ce que j'ai mis autant de temps à poster cet article et je veux pas que je veux pas qu'il y ait d'échafaud. Donc on m'a traité d'hypocrite parce que je me dédouanais du fait que les gens décident d'en faire un cas d'avoir de la violence. Pour moi, c'était quelque chose qui pouvait servir de façon constructive aussi. Et en plus, on m'a également fait la critique. Et là, c'est clairement la pire critique qui a fait que j'ai très honnêtement failli fermer mon blog sur le moment, qui est « tu as une légitimité scientifique avec des gros guillemets, donc tu n'as pas le droit de penser ce genre de choses parce que ce que tu dis ne peut pas être compris comme une opinion, mais peut seulement être compris comme un point de vue scientifique. Et donc, une vérité. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je passe mon temps à dire que ma légitimité scientifique est pas terrible. Mais en même temps, je savais aussi en l'écrivant, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps, que ma parole porte. Que par ce blog-là que j'ai, qui permet de faire ce blog, en fait, porte. Je sais que si je partage quelque chose, il va être lu par 200, 300, 1000 personnes des fois. C'est la fin de mon témoignage pour montrer à quel point en fait c'est compliqué de porter une critique et à quel point cette critique-là peut prendre une ampleur contre-productive. Du coup, là, moi, je commence à élaborer dans ma tête une espèce de feuille de route pour le joueur ou la joueuse quand il y a eu un problème. Donc, comme disait Muriel, attendre une semaine, je pense que c'est important pour faire la part des choses, pour essayer de réfléchir à qu'est-ce qui vient de manque de l'organisation ou qu'est-ce qui vient d'une mauvaise alchimie avec les autres joueuses et joueurs. Parce que parfois, des jeux se passent mal, non pas par problème d'organisation, mais parce que ça n'a pas marché avec les autres personnes présentes. Faire la part aussi entre, je ne sais plus qui le disait, mais entre qu'est-ce qui est une question de goût ou quelque chose qui vraiment ne marche pas. Et ensuite, faire aussi la distinction entre des problèmes au niveau, on va dire, des choses de scénario qui ne marchent pas et du coup les gens s'ennuient, ou des choses qui relèvent de mettre les joueuses et joueurs en situation de danger physique ou émotionnel. Une fois qu'on a fait ce travail de son côté, donc vient le moment de se poser la question de comment on s'adresse aux orgas. Donc, si ceux-ci ont communiqué un questionnaire de débriefing, c'est plus facile. S'ils ne l'ont pas fait, là aussi, j'ai vécu plusieurs cas de figure. Là, il y a parfois des jeux qui ont une bonne réputation ou des équipes orga qui ont une bonne réputation et c'est difficile de se dire qu'on va les critiquer. On se demande si on a la légitimité. Du coup, je pense que dans ce genre de situation, ça peut être pas mal d'essayer de s'adresser non pas à l'ensemble des organisateurs, mais à l'un ou l'une d'entre eux avec qui on a contact, soit qu'on connaît, soit avec qui on a senti que la conversation était possible, pour essayer d'avoir une discussion apaisée et constructive. Ensuite, après ça, si ce qu'on a signalé relevait de la catégorie danger et qu'on n'a pas été écouté et qu'on pense que ça peut mettre des joueurs et joueuses en danger plus tard, là, je pense qu'il est tout à fait légitime d'alerter la communauté pour que d'autres personnes ne risquent pas de vivre, elles aussi, des choses problématiques. Je vais enchérir là-dessus, effectivement, parce que en termes de critiques, tout en essayant de faire des critiques constructives, c'est vrai que pour le compte, je n'ai pas de mal à penser qu'on doit ne pas hésiter à se montrer vraiment intransigeant quand on parle de choses, de problèmes en termes de sécurité, que ce soit sécurité physique ou émotionnelle. Et même j'aurais tendance à aller plus loin, ou en ce qui me concerne, si avant même le jeu, et là j'avoue, ça ne m'intéresse pas de jouer le jeu, mais si une organisation clairement ne communique pas de manière très transparente et nette sur ce qu'elle met en place en termes de sécurité, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le critiquer, même si le jeu n'a pas encore été joué, même si on n'a pas encore joué le jeu, quels que soient les appels à « attendez au moins d'avoir joué le jeu pour ça ». Ok, du coup, je pense que j'étais le suivant sur la liste. Je vais revenir du coup peut-être vers vous avec deux questions. La première question, c'est peut-être ben, finalement, quelle est la place de la critique dans la critique, en tout cas de la critique publique, justement, sous l'aspect d'articles ou de publications en ligne ou ce genre de choses dans le monde du GN. Et puis, alors, il y a la deuxième question, c'est, on en parlait, qui sommes-nous pour critiquer, qui sommes-nous surtout quand on critique. Donc, c'est-à-dire que la remarque qui a été faite en disant, ben voilà, tu as une posture scientifique, donc tu ne peux pas te permettre ce genre de critique, mais elle existe, elle peut exister. J'ai déjà eu l'occasion d'en faire les frais en me disant, tu es administrateur ou tu es travailleur à la fédération, tu ne peux pas te permettre ce genre de critique. Parfois, bah, dans le cadre de certains organisateurs ou certains types d'organisations hein, qui ont dit tu as telle position, quand tu critiques, tu as un poids qui est différent que un joueur lambda, sans que ce soit péjoratif, hein, je veux dire, mais la différence de parole entre un joueur lambda et un organisateur qui a justement peut-être une organisation qui jouit d'un certain prestige, d'un certain poids, ça n'aura effectivement pas une critique publique n'aura effectivement pas le même effet. Moi, du coup, je voulais revenir aussi sur cette place de la critique et la question de la réputation. Et là, c'est framé en mode, est-ce que les orgas ont droit à l'erreur ? Mais on peut poser la question, est-ce que les joueurs-joueuses ont droit à la critique ? Et je trouve que c'est pas du tout évident, en tout cas dans les milieux géanistes que moi, j'ai fréquenté. Même s'il y a de plus en plus de ce type de débriefs qui sont mis en place, et même si souvent il y a des demandes de retour, en fait, j'ai l'impression que la sincérité qui est possible est assez limitée, et que les gens, et c'est pas évident de savoir ce que les gens sont capables ou ont envie d'entendre ou non. Et là, pour moi, il y a la question de la réputation des joueurs et des joueuses qui entrent en ligne de compte, parce qu'on parlait de celle des orgas, mais comme on est dans un dispositif où, en général, il y a plus de gens qui veulent jouer que de gènes à jouer et qui a souvent des mécanismes, des mécaniques de casting ou d'invitation. Du coup, ça fait que si tu critiques ouvertement les jeux et comme toi, tu le juges bon, peut-être ça va te poser des problèmes auprès d'un regard. En tout cas, c'est facile de se dire « Ah, mais ces gens ne vont pas vouloir me faire jouer si je critique le GN comme je pense que je devrais le faire si je pouvais le faire librement. » Donc, il y a tout cet enjeu-là. Et ce truc de réputation, là, depuis le début de la discussion, il n'y a eu que la question de la réputation de l'orga. Et moi, je pense qu'on n'a absolument pas à préserver la réputation de qui que ce soit. En fait, je pense qu'une réputation, ça ne se respecte pas. Et surtout quand il y a des enjeux de sécurité derrière. Mais de manière générale, en fait, une bonne réputation, c'est quelqu'un qui a un haut statut. C'est quelqu'un qui a potentiellement des positions de pouvoir qui sont liées à ce statut. Et je ne vois pas pourquoi on devrait faire attention à cette réputation, en fait. Parce que ce que ça produit en général, c'est juste des dynamiques toxiques. Et moi, l'argument de préserver la réputation, enfin, c'est un truc qui m'énerve beaucoup. Tout comme les trucs que j'entends là sur pas pouvoir parler depuis certaines places. Enfin, je trouve que c'est n'importe quoi. Voilà. Du coup, je pense que c'est à moi. Alors, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que Leila vient d'expliquer, de dire. Voilà, ça c'est dit. Je voudrais aussi apporter un autre point qui est plus en rapport avec ce que Bacha, ce dont Bacha parlait tantôt. Pardon, parce que je pense qu'en fait, le fait de. Ben en fait, très, très simplement, d'avoir une sorte d'explosion émotionnelle comme ça, d'avoir besoin d'exprimer le malaise sur place ou même plus tard, mais de manière d'une manière qui n'est pas calme et reposée. C'est quelque chose dont on m'a parlé il y a de ça un an ou deux, alors que j'organisais un maslarp, en me disant, mais les gens, tout le monde n'a pas à s'exprimer de manière calme et posée, tout le monde ne peut pas le faire et tout le monde ne peut pas en être satisfait. Parfois, il faut pouvoir exprimer sa colère et cette explosion émotionnelle. Et je pense que c'est au niveau de l'orga, avant son GN, de pouvoir se dire que, quelque part, ils sont capables de le voir venir, ou en tout cas de savoir le laisser passer et en tirer des leçons. Bien sûr, tout le monde peut considérer n'importe quoi comme une attaque ou comme une agression. Mais dans un jeu où les émotions peuvent exploser, il est normal de devoir s'attendre à ce que les joueurs ne sachent pas attendre une semaine pour faire une critique à froid et soit obligé d'en faire une à chaud. Je pense que ça fait partie de la préparation d'un orga-GN. Alors, pour revenir à des histoires de réputation et compagnie, ce sont des dynamiques de groupe qui sont très lourdes, qu'on devrait en effet envoyer balader, comme l'a dit Leila. Mais je pense qu'au niveau individuel, il y a peut-être quelques orgas qui refusent la critique, mais je pense que la majorité des organisateurs, au contraire, sont dans une volonté de s'améliorer et aimeraient entendre les retours, en particulier les retours négatifs, puisque ce sont finalement ceux les plus utiles. Et donc, que quand on se retient de leur envoyer un débrief critique par peur de sur des questions de réputation et tout ça, finalement, on ne leur rend pas service. Moi, dans mes jeunes années, en tant qu'orga, j'ai organisé un jeu qui n'était pas terrible. C'était une première expérience. Il y avait plein de choses loupées. Et en fait, ben, les joueurs ne nous l'ont pas dit. Ils sont juste pas revenus. Et nous, en tant qu'orga, on était un peu là. OK, ben, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change? On ne savait pas. Donc, voilà, je pense que c'est... Il y a peut-être des individus qui n'acceptent pas la critique, mais peut-être que je suis optimiste sur la nature humaine, mais je pense que c'est une minorité, qu'il vaut mieux ne pas se retenir d'envoyer des retours critiques. Et sinon, pour ce qui était dit juste avant moi, pour les retours à chaud, bah, il y a là le débrief en 5 questions de... que je connais par expérience, je ne sais pas si c'est eux qui l'ont créé, ce qui se fait juste après le jeu est une forme de débrief à chaud qui peut permettre d'exprimer des émotions, même s'il y a sans doute une pression de groupe qui fait que si la plupart des joueuses et joueurs ont un avis positif et que soi-même on a un avis négatif, on ne va peut-être pas oser le dire. Par rapport à ce que tu viens de dire, Zandera, peut-être que la majorité des gens, des orgas, acceptent bien la critique, mais du coup, il faut poser le cadre et dire j'accepte la critique, y compris difficile dans quel cadre que je définis. Et en fait, moi, j'ai pas le sentiment que ce soit fait souvent. Et il faut vraiment le dire qu'on est ouvert à la critique et à plein de types de critiques. Et du coup, c'est pas aux joueurs ou aux joueuses en fait de se forcer à prendre un risque social. Si le cadre bienveillant par rapport au fait de recevoir de la critique n'a pas été posé suffisamment clairement par les orgas, je pense. Le deuxième truc que je voulais dire, c'est que j'ai dit qu'on n'avait pas à respecter la réputation des gens. Par contre, je pense qu'on peut quand même respecter les humains, quoi, que sont les orgas, dans le sens où on est défoncé quand on est joueur ou joueuse, mais aussi quand on est orga, on est fatigué, on a une implication forte souvent. Donc, on n'est pas en général dans un état mental où on va bien réagir. Émotionnellement, c'est facilement le chaos. Et du coup, je pense que c'est important aussi d'avoir de l'empathie pour ça quand on est en position de participante. Et que pour moi, ce n'est pas forcément aux orgas d'être capable de tout prendre émotionnellement sur eux à la fin du jeu. Mais ce qui peut être cool, c'est de déléguer quand on sait qu'on n'en sera pas capable. Ce qui commence à se faire sur des gros jeux, par exemple, c'est des équipes de care qui ne sont ni des orgas ni des joueurs-joueuses. Et qui sont là pour prendre soin des personnes qui jouent, mais aussi, par exemple, pour faire tampon avec les orgas. Voilà. Moi, je voulais revenir sur ce qui avait été dit par rapport à la capacité des orgas à entendre, finalement, un peu la chose que les joueurs sont en capacité de dire de façon virulente. Et si, dans l'absolu, tout orga devrait être capable, effectivement, de recevoir tant de belles critiques que des choses un peu lourdes et colériques de la part des joueurs, en réalité, ce n'est pas possible, vu que déjà la parole peut dépasser la pensée du joueur parce qu'il y a de la colère, et qu'après le GN, c'est difficile. Y a tout un tas de contextes qui font que peut-être l'organe ne pourra pas le recevoir ou accueillir cette parole-là. Et là, je me dis que s'il y a besoin, à chaud et en direct, que les joueurs puissent un peu exploser, qu'ils ne le fassent pas envers les organes, mais qu'il y ait un tiers qui soit là pour d'abord accueillir cette parole un peu... violente, tout simplement. Et la deuxième chose dont je voulais parler, c'était par rapport à cette question de réputation et de responsabilité au fait des joueurs qui amènent des critiques très saillantes envers les organisations et qui quelquefois se retrouvent à faire de la vendetta ou quoi, juste parce qu'ils n'ont pas apprécié le GN. Et ça, c'est issu effectivement de ces questions de bonne réputation et donc d'un pouvoir de faire, de défaire certains jeux. Je crois que ce qui est aussi important, c'est que quand même tout le monde a le droit au pardon. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à dire à la fois aux organisateurs et surtout aux joueurs. Parce que la question du ressentiment, elle peut traîner et faire en sorte que, en fait, on ne reviendra pas vers cette organisation-là. Et c'est ça qui est aussi une posture à avoir, c'est de dire, effectivement, c'est raté. J'ai dit à ces orgas, mais maintenant, je dois aussi être capable, dans un contexte où l'orga a tenté aussi d'améliorer les choses, de pouvoir revenir. Et quelquefois, on s'aperçoit qu'il y a des joueurs, tout simplement, qui n'arrivent pas à dépasser cette étape-là de ressentiment. Et c'est là où aussi il faut arriver à faire comprendre aux joueurs aussi que vous avez la responsabilité de dire aux orgas que vous n'avez pas aimé ce jeu, même que vous l'avez détesté, mais qu'il faut maintenant dépasser ce sentiment-là. Donc je voudrais là reprendre ce que disait Leïla, que c'est au orgas de prévenir que la critique négative est la bienvenue. Donc bon, là ça nous ramène sur le point 1. Du coup, en début de questionnaire de débrief, moi je l'ai fait sur le mien, j'ai marqué que les critiques négatives étaient particulièrement les bienvenues, puisque c'était celles qui aidaient à améliorer. Et donc ça, c'est vrai que ce serait sans doute bien que de telles choses se généralisent pour bien dire que bien ouvrir la parole. Et sinon, ça m'a amené une autre réflexion, à savoir qu'un questionnaire de débrief du point de vue des organisateurs, ça, on l'envoie pour au départ pour dans l'idée d'améliorer son jeu. mais que finalement, même après un jeu qui a eu, où il y a eu de nombreuses sessions, où on se dit que le jeu est abouti et qu'il n'y a peut-être plus besoin d'envoyer un questionnaire de débrief, finalement, c'est sans doute bien d'envoyer quand même quelque chose pour permettre aux joueuses et aux joueurs d'exprimer leurs ressentis, de leur fournir une soupape aux émotions qu'ils ont pu vivre. Même si on pense qu'on n'aura pas forcément soi-même en tant qu'orga quelque chose à en tirer, bon déjà on ne sait jamais, il y aura peut-être quelque chose à en tirer, mais finalement c'est quelque chose qui n'est pas que pour soi-même en tant qu'orga, c'est aussi pour les joueurs et joueuses. Ok, donc je reprends ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc sur les retours à chaud, une technique que j'avais vue utiliser chez Souvenir en Espagne, c'était que les joueurs qui avaient une bonne expérience ou une expérience normale pouvaient faire leur débrief de sortie progressive de manière semi-autonome. Et les joueurs qui avaient eu une mauvaise expérience, quelle que soit la raison, que ce soit trop grande charge émotionnelle ou autre, étaient invités à pouvoir en discuter de manière séparée avec les organisateurs. Donc ça, je trouvais que ça avait été une bonne technique, en fait, pour permettre aux joueurs qui auraient une expérience négative de pouvoir l'exprimer immédiatement, y compris dans un contexte plus émotionnel comme ça, et donc avec un orga dédié qui était prêt à entendre cette parole-là. Bien, alors je propose de passer à la troisième partie qui est celle justement où l'organisateur a appris. Il a réalisé ses débriefings, il a fait le nécessaire. Et donc, comment faire en sorte que les joueurs, que la communauté, que dans le cadre des prochains jeux, cet état de fait, ce fait que l'organisateur a évolué, a appris et est devenu capable de pouvoir proposer des jeux qui correspondent mieux aux attentes, comment faire en sorte de le communiquer correctement et comment faire en sorte que ce soit aussi reçu de la part des joueurs. Je pense qu'un bon moyen de communication, ce sont les groupes Facebook post-jeu ou éventuellement des mailing lists où on discute avec les anciens joueurs et joueuses des changements, déjà pour leur demander leur avis, mais ce faisant, au passage, ils sont informés qu'on est en train de faire des changements, qu'on améliore les choses. Et donc, ça sert finalement aussi de biais de communication sur le fait qu'on a bien pris en compte leurs critiques. Et donc, que ce soit pour un jeu à suite, ces personnes sauront donc auront envie de revenir. Ou sur des jeux à session unique mais répétée. Vu que ce sont les anciennes joueuses qui font la réputation du jeu, on revient encore sur ce terme, comme ils sauront qu'on a pris en compte leurs critiques, qu'on a fait des changements, qu'ils sauront quels changements on a fait, cela influencera leur façon pour eux-mêmes de communiquer autour de notre jeu. Oui, alors c'est juste pour renforcer ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement intégrer dans ces communications les aspects qui ont été délivrés aux organisateurs après un premier jeu, ça permet de rendre réel le fait qu'ils aient pris en compte, alors peut-être pas dans la concrétisation du second jeu, mais en tout cas en termes de réflexion, d'avoir pris en compte les retours. Et ça, je pense que c'est important. Peut-être que ça ne permettra pas aux joueurs de venir, mais ça permettra au moins de dire ce que j'ai dit n'est pas resté lettre morte. Et pour les joueurs, c'est très significatif d'une organisation qui est capable de se remettre en question. Il y a quelque chose d'aussi important, c'est que un peu sans justifier les choses, c'est de donner les réponses un peu aux joueurs, c'est-à-dire de dire on a eu ce problème-là, on a eu ce retour, voilà comment on va le gérer. Ça permet d'ouvrir aussi les discussions, parce que peut-être que cette réponse-là n'est pas appropriée, mais ça renforce l'idée que voilà le GN a été organisé dans une nouvelle perspective, en tout cas dans une nouvelle réflexion. Voilà, je laisse la parole à Barreau. Merci. Je voudrais bien, peut-être pour stimuler un petit peu la suite de la conversation, vous poser une question. Comment, pratiquement, par quel outil, pouvoir justement communiquer sur le fait que les différentes remarques ont été prises en compte? Je vais prendre à nouveau l'exemple de Garou. Garou a réalisé un compendium de ses retours. C'est peut-être quelque chose qui est très lourd pour le public à lire, mais a réalisé également un mind mapping qui résumait justement tous les retours qui ont été pris en compte pour pouvoir justement dire voilà, on vous a entendu, on en a bien pris compte, et donc on en tiendra compte pour la suite des événements. Donc voilà, par quel outil pratique peut-être pouvoir communiquer à ces joueurs qu'on les a bien entendus et qu'on va tenir compte et qu'on en a tenu compte pour la suite de nos jeux? Je pense qu'il faut, c'est quelque chose qui dépend énormément à la fois de la taille du jeu et aussi du type de problème signalé. Là, ce que je disais tout à l'heure, un groupe post-jeu ou une mailing list pour discuter des changements, ça, je pense que c'est surtout adapté pour des changements par rapport au scénario, des choses qui ne sont pas de l'ordre de la sécurité. En revanche, quand on a eu un problème de sécurité sur son jeu, là, il est sans doute important de faire un communiqué plus général, ouvert à tout le monde et pas seulement aux anciens et anciennes joueuses, pour dire, bon, ben, il s'est passé ça, on n'a pas bien suggéré sur le coup pour telle et telle raison. On n'avait pas mis de système en place, on en est vraiment désolé, etc. Et dire ce qu'on a fait, ce qu'on va faire pour la prochaine fois. Voilà, donc ouais, pour les problèmes de sécurité, là, en effet, un communiqué général, donc que ça soit sur un site internet quand on en a un, sur la page Facebook dédiée au jeu, comme il y en a de plus en plus. Voilà, les canaux dépendent des canaux de communication utilisés par ce jeu, cette organisation. Mais je pense que c'est distinct en fait entre on va dire, des petits problèmes ou des problèmes, on va dire, au niveau du design, etc. Où là, il n'y a pas forcément besoin d'en parler, de faire un communiqué de presse. Et les questions de sécurité qui sont beaucoup plus graves. Et là, c'est important de communiquer à ce sujet. Vers un maximum de personnes. D'autres pistes, d'autres outils à proposer? J'avoue que, étant donné que j'estime qu'aujourd'hui les canaux de communication se réduisent à Facebook aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi proposer comme outil de communication qui permette un échange avec les joueurs. Parce que je trouve que Facebook a vraiment parasité toutes les formes de com, sauf les coups de téléphone et l'oral, tout ça, mais quand même pour des trucs à la communauté, à part le mail, Facebook, je ne vois pas trop comment on peut faire. Pour le coup, bah, pour rebondir un peu sur l'exemple de Garou, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui est important dans le fait de pérenniser les retours qu'on a eus. Donc typiquement, quand on n'a pas les moyens de faire quelque chose de si élaboré que la mind map de Garou, que j'ai vu cet après-midi, c'était très bien, c'est simplement par exemple pour les jeux qui ont plusieurs sessions ou les jeux à suite, bah, c'est simplement de faire un petit résumé écrit des changements qu'on a fait entre chaque session ou des modifications que l'on a apportées, pour que même un joueur qui arrive bien après la communication publique via le site internet ou via Facebook puisse aller simplement voir ce fichier et observer, de dire, ah bah, effectivement, telle ou telle critique valide a été entendue. Alors, pas dans le cadre d'une communication vis-à-vis de la communauté, mais en tout cas plutôt dans le cadre d'une communication vers les différents participants qu'on lie au sein du jeu. Il nous est arrivé une fois d'avoir réalisé un GN qui s'est assez mal passé. Et notre GN avait la chance d'être organisé par groupe de joueurs. Donc, on avait 5, 6, 7 groupes de joueurs et très peu de joueurs isolés. Ce que nous avons organisé, c'est des sessions de rencontres entre l'organisation et les différents groupes. Donc, on a pris un petit peu notre bâton de pèlerin. On est allé trouver les différents groupes pour entendre oralement les choses qui n'avaient pas été pour ces groupes-là. On a pris aussi le temps de leur expliquer pourquoi est-ce que ça n'avait pas été, en essayant de ne pas être dans le justificatif, mais en tout cas d'essayer de leur faire comprendre d'où venait le problème. Est-ce que c'était un problème logistique? Est-ce que c'était un problème d'expérience? Est-ce que c'était un problème? Voilà. Et non pas de leur apporter une réponse toute faite en leur disant voilà ce qu'on va faire pour que ça se passe mieux, mais pour réfléchir avec eux de OK, ça s'est mal passé. Vous, quelles étaient vos attentes? Et nous, du coup, comment est-ce qu'on peut y répondre? Donc, essayer de trouver un peu une réponse commune. Et finalement, ça s'est assez bien passé puisque la plupart des groupes qui avaient des retours très négatifs sur ce jeu sont revenus à l'édition suivante. Et le GN a souffert de pas trop mauvaise presse, en tout cas, justement, parce que les groupes qu'on avait rencontrés, quand ils parlaient de cet épisode qui s'était mal passé, n'en parlaient finalement avec un retour assez positif en disant ah oui mais ça s'est mal passé mais on a eu l'organisateur, il nous a expliqué voilà comment est-ce qu'ils vont faire, voilà, et donc ils ont eu très rapidement une vision assez claire de vers où allait aller l'épisode suivant. Alors, peut-être tant qu'on est dans l'après-jeu, une question, quelle est justement la post aujourd'hui, notre GN vient de se terminer, il s'est mal passé, quelle posture tenir vis-à-vis de son public? Est-ce qu'on doit être dans la justification? Est-ce qu'on doit laisser du temps passer entre une communication officielle ou pas? Est-ce qu'on doit reconnaître l'échec ou pas, ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de noyer ça autour d'une bonne communication qui veut un peu tout dire et rien dire en disant ça s'est pas trop bien passé, mais il y a des choses à améliorer, mais globalement on est content. Enfin voilà, quelle est un peu la posture justement à tenir par rapport à ça? Alors, en fait, je vais répondre au point précédent parce que je rame un peu. Avec la scénaristerie, il y a un GN qui a été organisé l'an dernier où j'étais aide orga, j'étais pas orga, mais s'appelle L'Âge Noir, donc qui était notre premier GN. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un GN qui était basé sur la guerre. Et au bout de 3 heures de jeu, il y avait une faction qui avait dégommé totalement une autre faction, et puis les autres s'étaient alliés. Donc, on s'est retrouvé avec le GN qui capote à 13 heures, quoi. On a un peu paniqué, mais finalement, on a réussi à rebondir, notamment parce que le jeu était en 3 opus, donc on a réinvesti les 2 opus suivants sur ce premier opus-là. Et au final, on a eu de très très bons retours parce qu'on s'est viandé, mais qu'on a réussi un peu à recoller les bouts en milieu de GN, et surtout parce que on a de suite fait un retour dès le débrief et ensuite par mail, etc., en disant qu'on avait merdé, on a expliqué pourquoi. Et parce qu'aussi on était une asso, c'était le premier GN de l'asso, comment dire, les gens sont venus et on a eu finalement bonne presse. Il y avait pas mal de choses qui jouaient à notre faveur, le fait qu'on ait été honnête sur nos erreurs, le fait qu'on se soit quand même un peu rattrapé en milieu de jeu. Le fait qu'on ait bien communiqué et aussi le fait que finalement on avait fait des essais sur ce GN. Je dis on, mais c'est un on scénariste. On avait fait des essais sur ce GN et même si il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné, on a impliqué les joueurs les joueurs et joueuses dans le design du jeu par la suite et on a été très autocritiques dès ce moment-là. Et en plus, comme je disais, on a fait des tests et les joueurs ont aussi apprécié le fait qu'on ait essayé de faire des trucs différemment, même si ça n'a pas marché. Je pense qu'une bonne communication et un peu d'humilité, on va dire, si les joueurs n'ont pas l'impression que les orgas sont totalement déconnectés. Peut-être que ça permet aussi de positiver la critique assez rapidement, on va dire, sans avoir forcément besoin d'attendre 6 mois que les choses sortent, etc. Pour répondre à la question de Barrault, quelle posture prendre, je pense qu'on est tous d'accord ici que quand les critiques sont légitimes, les prendre en compte, signaler qu'on les a pris en compte, etc. Par rapport à la justification, là, ce serait donc dans une situation où on considère, enfin, on se justifie finalement quand on considère que la faute ne vient pas tant de nous que plutôt, mais plutôt du joueur ou de la joueuse, ce qui est possible aussi, hein, après tout, parfois il peut y avoir des critiques illégitimes. Mais je pense qu'en tant qu'orga, là, il faut se placer d'un point de vue plus humain et ne pas chercher à s'auto-justifier parce que la personne en face, elle a mal vécu le jeu, peut-être parce qu'elle-même n'avait pas compris alors qu'on avait pourtant exprimé des choses clairement, mais elle est dans son ressenti et donc lui dire non, mais en fait, c'est toi qui n'avais rien compris, ça ne va pas l'aider à surmonter sa mauvaise expérience. Donc, même si on pense de façon très rationnelle que ce n'est pas notre faute si ça s'est mal passé, je pense qu'il faut quand même faire un peu la carpette si la personne en a besoin pour lui permettre voilà, de surmonter sa mauvaise expérience et lui prêter une oreille attentive et tout. Ensuite, bon, là, c'est l'orga psy, etc. C'est peut-être beaucoup demandé. Les orgas n'ont pas forcément envie ni le devoir de faire ça, mais à titre personnel, j'essaye d'avoir cette posture-là parce que j'assume aussi le care post-GN. Je suis quasiment la seule orga, c'est un petit jeu. Mais ensuite, sur des jeux des plus gros jeux, ça peut, cela a été dit précédemment, ce rôle peut être distingué et que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse cette médiation, ce rôle de suivi quasiment psy, on va dire, des joueuses et joueurs après le jeu. Je voulais revenir sur ce qu'a dit Zandera par rapport au fait que les orgas après jeu puissent dire aux joueurs, bah, écoute, en gros, si le gène s'est mal passé pour toi, c'est un peu que tu ne l'as pas compris. Je pense que ce n'est pas une position tenable à la fois pour les joueurs et même par la suite pour les orgas. C'est-à-dire que c'est un peu juger le joueur là. Et que même si peut-être il a raison, l'orga, à ce moment-là, il ne peut pas délivrer une parole comme ça envers les joueurs. Autant il va y avoir une vraie difficulté à accueillir la parole du joueur qui peut être très, très incisive, autant je ne pense pas que l'orga puisse bazarder comme ça le joueur en disant mais écoute, mon pauvre ami, c'est un peu de ta faute si tu as passé un mauvais joueur. Un mauvais jeu. Pas un mauvais jeu. Et j'avais un deuxième point, mais là je me souviens plus du tout. Donc quand je retrouverai mon idée, je reviendrai. Alors, avant de passer avec un petit peu d'avance à la conclusion, est-ce que parmi les débats qu'on a pu avoir, parmi les échanges d'idées qu'on a pu avoir aujourd'hui, est-ce que vous avez peut-être des points de la thématique qui vous semblent ne pas avoir été abordés, que vous trouveriez intéressant de pouvoir amener maintenant? Juste, si jamais il y a des gens qui ont envie de partager d'autres expériences personnelles ou de comment vous gérez vos émotions justement en fin de jeu quand vous êtes orga, voilà, vraiment un niveau plus d'anecdote ou perso, je trouve que ça peut être intéressant. Je viens de retrouver mon idée. Bon, c'est un peu confus, mais l'idée étant que l'orga est responsable de son GN, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il doit être en capacité de prendre de la hauteur malgré tout. Et sur la question de l'échec de son GN, il doit l'assumer. même si c'est difficile, faire preuve de mauvaise foi en essayant de noyer le poisson en termes de communication, c'est insulter en fait les joueurs de la communauté. Je pense que c'est beaucoup plus sain, et je vais dire être une la palissade, mais bon, c'est beaucoup plus sain pour lui de dire ok, on a merdé, ok, on va retravailler sur, ben, on va essayer de retravailler sur les points qui ont un peu raté, que d'être attaquant envers les joueurs et leur positionnement. Voilà. C'est parce que là, en fait, c'est entrer en guerre avec la communauté. Et malgré tout, c'est l'orga qui va perdre cette guerre. Voilà. Moi, j'ai envie de partager une expérience du coup par rapport à ce que demandait Leïla. J'ai organisé donc un maslarp il y a de ça, ben, en fait, c'était l'année passée, il y a 2 ans. J'ai plus, pardon. Et il y a clairement eu des problèmes au niveau de l'organisation, et notamment entre une autre scénariste et moi. Et clairement, entre nous, en tout cas, il nous a fallu un peu de temps pour que ça passe, que ça se digère et qu'on puisse en reparler de manière posée. Néanmoins, j'ai beaucoup, beaucoup de gens dans la communauté qui sont venus et qui m'ont dit « Alors, il paraît que ça s'est mal passé, que c'était naze et que du coup, c'est la faute de qui, en fait ?» On nous a dit que c'était la faute de telle personne, telle personne, telle personne. Ce que je trouve une manière, quelque part, de critiquer le GN et les différentes personnes qui y participent. Et moi, un truc de nouveau que j'ai fait, c'est ce que j'expliquais au début du live aujourd'hui, de la discussion. Ce que j'ai trouvé vraiment, vraiment bien, c'était la réflexivité, le fait de prendre le recul nécessaire et de me séparer de mon émotion. Et d'essayer de, on va dire, de faire un jet d'empathie pour me mettre à la place des autres personnes. Ça m'a aidé en tout cas à dire aux gens non, en fait, il y a eu des choses qui se sont passées, mais des choses tout à fait naturelles, normales, et voilà. Du coup, toi qui m'apportes cette question. Je retiens le fait que apparemment ça se soit mal passé. Si tu me donnes des exemples, je peux peut-être essayer de t'expliquer un petit peu ce qui a valu ça ou ça et le noter dans ma tête. Et l'échec ne sera pas appliqué aux différents membres de l'organisation dont j'ai fait partie, parce que j'ai retiré toute partie émotionnelle qui me concerne moi et les autres personnes concernées. Voilà. C'est juste une expérience très personnelle. En fait, là, ça me fait penser à une question qui n'a pas été évoquée. C'est lors d'une organisation avec un nombre, avec plusieurs organisateurs et organisatrices, comment gérer entre nous l'échec, comment ne pas tomber dans ah, c'est tout la faute à tel orga, etc. Bon, je vous avoue que personnellement, j'ai fait le choix de n'organiser que seul ou en très petit nombre, parce que je n'aime pas justement la tendance qu'il peut y avoir à chercher très facilement dans un groupe à tout mettre la responsabilité sur une personne ou ce genre de choses. Mais je pense que c'est une question qui est dans la continuité de la discussion que nous venons d'avoir. Je pense que c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas réfléchi. Mais je pense qu'avoir des process, en fait, tout au long du design, du processus avant le GN et pendant le GN, de communication émotionnelle, en fait, entre les orgas, c'est déjà pas mal, en fait. Qu'on puisse suivre les uns les autres où est-ce qu'on en est au fur et à mesure, et qu'il y ait de l'espace pour pouvoir s'exprimer, vraiment, et le consacrer pour qu'il existe, je pense que ça aide. Je vais peut-être partir sur un peu autre chose, mais parce que ma pensée est assez vagabonde ce soir, je suis désolée. Je pense que c'est vraiment très important d'accepter la critique en tant qu'orga, parce que en fait, il y a une tendance à se replier sur son bébé. Hein. Je veux dire, c'est con, mais quand tu passes des centaines d'heures à préparer un jeu, forcément, ça te fait mal. que ce jeu soit remis en question. Et en même temps, là je parle en tant que joueuse, je suis une joueuse super fragile. J'ai vraiment besoin d'un cadre, que le cadre me permette de fonctionner. C'est pas tellement le parti en jeu qui me pose problème, c'est plutôt la partie autour du jeu. Et en fait, mes derniers GN, notamment les quelques GN que j'ai essayé de faire pour mon plaisir, c'est-à-dire pas pour ma recherche, mais vraiment pour le plaisir, à part le GN de 100 balles à Mars que j'ai fait en avril, qui m'a vraiment hypée, c'est des GN où je me suis sentie extrêmement mal, où vraiment j'ai fini en larmes, où j'ai... Il y a un GN où je me suis fait virer par leur gars... Enfin, un peu au start, parce que je me suis engueulée avec, parce que j'étais en PLS. Enfin, bon, bref. Il y a des tas de choses qui font que si des organisateurs n'avertissent pas qu'il y a des soucis dans leur jeu, ou qu'ils sont en retard, ou que ça risque de mal se passer, et s'ils sont dans une situation de façade de « mais tout va bien se passer », et surtout, on ne vous dit pas qu'on est dans la galère, ça peut vraiment avoir des répercussions négatives sur la psychologie des joueurs et joueuses et même sur le fait que ces personnes aient envie de revenir. Voilà. Et je parle revenir en GN de façon générale, pas revenir à ce GN. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce qui vient d'être dit, parce qu'on a typiquement, j'ai eu l'occasion de participer en 2016 à l'organisation d'Avatar, qui est donc un Maslar en Belgique, et on a justement connu effectivement ce genre de déboire, c'est-à-dire en fait une organisation qui est très galère, qui survit qui subit les mauvaises le fait que l'édition précédente se soit mal passée, qui a moins de joueurs, qui n'a plus de budget et ce genre de choses. Et on a certainement retrouvé dans la galère au niveau du budget, galère au niveau de toute une série de choses. Au début, on a essayé un petit peu de masquer l'affaire justement pour éviter que les gens se disent « aïe, ça a l'air de mal aller à Avatar, on n'y va pas cette année ». Et puis finalement, on a un peu changé en cours de travail notre fusil d'épaule en décidant de communiquer sur les difficultés qu'on avait en disant « ben voilà, on manque de bénévoles, ben voilà, on manque de moyens, ben voilà, on manque de ceci, de cela ». Et en fait, on s'est rendu compte que cette position était d'une part plus facilement tenable, on ne cachait pas de choses aux joueurs, et d'autre part, on a eu la très bonne surprise d'avoir des joueurs qui étaient très compréhensifs et qui ont décidé de donner des coups de main. Ils ont décidé de mettre la main à la pâte pour le montage, pour le démontage. Ils ont accepté que certaines choses prenaient du retard. C'est allé jusqu'à un point où à un moment, on n'avait plus de quoi leur acheter des fils de rêve, pour ceux qui connaissent le jeu, qui est un bandeau qui se porte d'année en année, qui change de couleur d'année en année, et on leur a donné des fils de rêve des années précédentes. Les gens en ont fait un gag, et donc c'est vraiment très très très très bien passé. Donc je peux que rejoindre ce point de s'il y a des problèmes, s'il y a des promesses qui ne pourront pas être tenues, ou s'il y a le communiqué, on ne peut généralement avoir que des bonnes surprises avec ce genre de position. Bien, s'il n'y a pas d'intervention complémentaire, et si vous n'avez rien à ajouter, je peux vous proposer peut-être de passer à la conclusion. J'ai passé un peu tout ça en revue, vous avez dit beaucoup de choses intéressantes et je vais essayer d'être un maximum exhaustif. Alors, concernant la question du live qui a raté, que faire pour retirer le meilleur ? D'abord, en amont, on vous avait dit qu'il était nécessaire de prévenir si vous sentiez des choses neuves, d'appeler à la bienveillance des participants et de ne pas tomber dans l'excuse qui peut nous empêcher, d'avancer. Donc, ne pas se dire « on ne fait que des choses… » Voilà. Ensuite, éviter de voir trop grand si on manque d'expérience, et aussi, voir trop grand aussi bien en termes d'ambition, mais aussi en termes de prix. Rater un joueur qui participe à un GN qui ne s'est pas bien passé pour 20 euros, eh bien, c'est quand même moins décevant que s'il en a payé 150. Questionnaire de, au niveau du questionnaire de débriefing, vous conseillez de faire quelque chose de cadré, ben justement pour pouvoir au mieux traiter les informations et pouvoir ben, accompagner le participant dans son, dans sa, dans son écriture de débriefing. Il y avait aussi la question eh ben, de laisser une place pour l'émotionnel. Voilà, l'émotionnel est quelque chose d'important. On essaie généralement de l'éviter dans les débriefings pour avoir quelque chose de neutre. Mais en fait, il faut quand même un moment que le joueur puisse pouvoir l'exprimer. Et donc, comment faire en sorte de pouvoir récolter au mieux cet émotionnel? Il y avait aussi la question, donc justement concernant l'émotionnel, laisser peut-être passer un petit peu de temps avant de récolter ça, pour pouvoir prendre du recul, voire ben, pourquoi pas proposer à quelqu'un d'autre de traiter les retours, afin justement de pouvoir ben, prendre du recul sur son œuvre, parce que c'est important, pouvoir la critiquer en se disant ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de quelqu'un d'autre que je vais juger maintenant, et essayer de se détacher un petit peu de l'émotionnel. Et enfin, avant tout, il y avait aussi la question bah, de la note d'attention. Veillez à ce que celle-ci soit rédigée correctement, qu'elle soit exhaustive et que joueurs et orgas s'entendent sur cette note pour que, bah, il n'y ait pas de déçus suite à des problèmes d'incompréhension. Et enfin, ne pas négliger le fait que bah, même si un jeu a abouti, même s'il est terminé ou même s'il a attrapé son rythme de croisière, il ne faut pas négliger de continuer ses débriefings. C'est aussi important que le joueur puisse se sentir écouté. Alors, la deuxième partie, dire merci, quoi, donc, en tant que joueur, donc à la position à avoir, eh bien, dire merci, c'est important. Quoi qu'il arrive, il y a du travail derrière. Laisser passer un petit peu de temps, prendre du recul et laisser passer émotionnel pour pouvoir donner un débriefing qui est le plus construit possible. Ensuite, il y avait la question du bah, dans quel lieu est-ce qu'on en parle. Eh bien, en parler de quelque chose dans le cadre privé, dans le cadre informel, bah, c'est aussi une source et c'est aussi un endroit dans lequel eh bien, ce qu'on dit finira par être possiblement véhiculé. Donc, il faut aussi faire attention à ça. Ce qu'on dit sur un jeu ne se limite pas à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Ensuite, la superbe phrase de Marc qui sera « on ne dit pas « ce n'est pas bon, mais je n'aime pas ». Et donc, c'est aussi pouvoir faire la différence entre ce que je n'ai pas aimé et ce qui sera et ce qui pratiquement n'a pas été. Avant de parler d'un GN en bien ou à mal à une personne, il faut essayer de pouvoir aussi ben, voir elle, qu'est-ce qu'elle attend et donc pour pouvoir lui donner un descriptif de ce GN qui sera le plus à même de répondre à ses envies. Ce qui, moi, ne m'a pas plu, ne plaira peut-être à d'autres. Alors, pensez à faire des outils, se dire de faire une petite fiche du joueur en se disant qu'est-ce que je dois ramener à l'organisateur pour que ce soit fait au mieux. Alors, il y avait aussi la question de se dire, bah, tiens, la réputation d'une équipe. Une équipe a une bonne réputation. De manière générale, les gens aiment ce qu'ils font. Qui suis-je pour critiquer? C'est peut-être un frein. Et alors, dans ce cas, pourquoi ne pas aller parler directement à un organisateur avec qui on a peut-être certaines accroches, ce qui est peut-être moins intimidant que de faire un retour directement à une équipe complète. Il y avait aussi la question du danger. Ben voilà, en cas de danger qui n'est pas pris en compte, que ce soit avant ou après, ça vous semblait tout à fait légitime de pouvoir eh bien, en tout cas, peut-être pas le dénoncer, mais en tout cas, communiquer dessus. La sincérité aussi a ses limites dans nos débriefings, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours à l'aise d'amener des points négatifs, justement parce qu'il y a entre autres cette question, d'abord il y a la pression sociale, mais aussi cette question de casting, c'est-à-dire si j'ai l'habitude de donner des critiques négatives, on risque de ne pas me reprendre dans les castings des prochains GN, et donc il faut que la critique puisse être libre. Vous disiez également qu'il ne fallait pas pouvoir tenir compte de la réputation. On disait, voilà, certaines personnes ne peuvent pas s'exprimer comme elles le voudraient, ne pas en tenir compte aussi bien, donc ne pas tenir compte de la réputation, aussi bien de vers qui on aimait les critiques que qui aimait les critiques. Ça doit pouvoir venir de tout le monde, mais attention, effectivement, certaines paroles portent plus que d'autres. Il faut pouvoir être conscient de cette situation quand on émet une critique. Il faut aussi pouvoir définir un cadre, dans quel cadre ce que la critique se fait, qu'est-ce qu'on est prêt à entendre ou qu'est-ce qu'on ne l'est pas. Voilà, il faut pouvoir le communiquer aux participants. Il y avait un petit point de tristesse sur ces joueurs qui font des vendetta vis-à-vis d'organisation. Voilà, c'était un petit point de tristesse qui était mis. Enfin, alors il y a aussi le fait qu'on a la responsabilité de dire ce qu'on n'a pas aimé, mais aussi la responsabilité de dépasser ce sentiment une fois que ça a été communiqué. On parlait aussi du côté orga que avouer son échec est une posture qu'il faut pouvoir tenir et communiquer. Alors, une technique qui était proposée aussi, c'est ben voilà, si lors du débriefing à chaud, pour les joueurs pour qui ça s'est bien passé, les laisser travailler en autonomie, pour les joueurs pour qui ça s'est peut-être mal passé, eh bien, le faire en compagnie des organisateurs. Enfin, troisième point, donc l'organisation s'est mal passée, l'organisateur a appris comment gère-t-on ça après, comment communique-t-on sur le fait que ça se soit bien passé. Alors, il y a les groupes et les mailing lists post-jeu qui permettent de présenter les changements et de faire comprendre aux anciens ce qu'on a pris en compte. Faire comprendre aux joueurs que ces retours ne sont pas restés lettres mortes. Montrer aux joueurs quels étaient les retours des autres joueurs, pouvoir globaliser tout ça. La façon de communiquer dépend de la taille et du type de jeu. La mailing list ou le groupe, c'est bien pour communiquer pour des questions de scénario, mais peut-être quand il est question de problèmes de sécurité, il faut peut-être mieux se tourner alors vers une communication plus institutionnelle, plus générale, via un site internet, une page Facebook, un groupe et les groupes communautaires. Il y a aussi la possibilité de rencontrer les groupes de joueurs pour leur expliquer ce qui n'a pas, discuter avec eux de ce qui n'a pas été et travailler avec eux sur des solutions. Et donc, en fait, et ça revient dans d'autres discussions, c'est d'inclure le participant dans la solution, dans la construction de la solution, voilà. Voire l'inclure même en amont dans la construction de certaines parties du jeu. Ensuite, il ne faut pas essayer de s'auto-justifier, il faut pouvoir prêter une oreille attentive aux personnes qui n'auraient pas compris les attentes, en faisant attention que tenir une position en disant « en fait, ce n'est pas moi qui ai échoué, c'est toi qui n'as pas compris ce qu'on attendait de toi », ce n'est pas une position tenable à long terme. Le regard reste responsable de son GN, il est le seul à pouvoir l'assumer. Noyer le poisson, ce n'est pas respecter les joueurs. Il est plus sain de reconnaître et de communiquer sur le travail encore à faire. Il ne faut pas essayer d'attaquer les joueurs sur leur position. Ce serait rentrer dans une guerre contre les joueurs et c'est une guerre que les organisateurs ne pourraient que perdre. Enfin, quelques retours personnels. On parlait des tensions en interne qui sont reportées vers l'extérieur. Véhiculiser ça, c'est aussi nuire à l'organisation. De manière générale, il y a une empathie à trouver, un recul à prendre, relativiser certains points, essayer de sortir un peu de l'émotionnel et de pouvoir comprendre ce qui n'a pas été pratiquement. Et enfin, quand on est dans la galère, il vaut mieux communiquer plutôt que les joueurs se retrouvent sur le fait accompli une fois qu'ils se retrouvent face aux difficultés. Et enfin, pour terminer, il y avait donc l'idée d'avoir un espace d'échange sur la gestion émotionnelle de l'organisation qui pourrait être un moment assez sympathique. Voilà qui clôture donc ce sixième live Sénat. Merci beaucoup d'avoir animé ce live et merci aussi aux personnes qui ont participé. Comme d'habitude, je vous invite à continuer à rajouter tous ces sujets totalement géniaux qui viennent d'apparaître dans le chat. et j'espère à la prochaine fois.